Le cucu dans la tête, le zizi dans la danette, tout en faisant le minou a bu du lait, le lait coule dans ton tété, t'étais là quand je t'ai brouté, brouté l'air d'un joli vrai, prenne un soin de prostituée, tu les vaches à coups dans ce pierre, Pierre m'a dit de te laver, la minette avec du gel, gélatine dans la cuisine, cuisine plus c'est plus facile, si la mer était pas bleue, on rasait les couilles des bœufs, tiens de la bouche en la vie d'un cow-boy en Normandie, c'est pas toujours facile, y'a pas de chevaux, y'a que des vaches, pour rodéo, c'est un peu tâche, en Normandie, c'est pas toujours facile. Y'a pas de chevaux, y'a que des vaches. Pour le rodéo, c'est un peu tâche. Le cucu dans la tête, le zizi dans la nanette. Tout en pesant le minou a bu du lait. Le lait coule dans ton tété. T'étais là quand je t'ai brouté. Brouté l'air d'un joli vrai. Plein d'un squat de prostituée. Tu les vaches à coups dans ce pierre. Pierre m'a dit de te laver. La minette avec du gel. Gélatine dans la cuisine. Cuisine plus c'est plus facile. Si la mer était pas bleue, on rasait les couilles des bœufs. Tiens de la bouche en la vie d'un cow-boy en Normandie. C'est pas toujours facile. Y'a pas de chevaux, y'a que des vaches. Pour le rodéo, c'est